Chapitre 35e. Un voyage d'agrément. Cependant, le courrier que la baronne d'Igomer avait dépêché à M. de Chauxfontaine n'était pas le seul qu'elle lui fait monter à cheval. Un second, porteur également d'une lettre, était chargé de découvrir Jean de Werth. La baronne ne savait heureusement pas alors où se trouvait l'aventureux capitaine, et un bon nombre de jours pouvaient s'écouler avant qu'il fût mis au courant de ce qui se passait chez l'allié inconnu que lui envoyait la fatalité. C'était une chance de plus pour Armand Louis et Renaud, mais ils l'ignoraient également, et cette chance et le péril nouveau que l'arrivée subite du général des troupes bavaroises devait faire courir aux prisonnières. La baronne d'Igomer parvint sous mille prétextes à retenir Diane et Adrienne chez elle pendant 4 ou 5 jours. On n'avait pas obtenu de renseignements suffisants une première fois. Le lendemain, ceux qu'on avait obtenus ne paraissaient pas exacts. Le jour suivant, le temps était à la pluie. Les caresses et les cajoleries ne manquaient pas. Ce n'était que prévenance et petits soins. Quand la baronne jugea qu'elle ne pouvait pas prolonger ce jeu sans éveiller des soupçons, elle annonça un matin que la nouvelle positive du retour de la reine à Stralsund lui étant parvenue, on partirait sans plus tarder. On se mit en route en effet dans la journée. Madame d'Igomer chevauchait à côté de Mademoiselle de Souvigny et de Mademoiselle de Pardaillan, ne voulant pas, disait-elle, abandonner ses jeunes amies jusqu'à ce qu'elle les eût mises en main sûre. Qu'elle avait le sourire joli en parlant ainsi. Des serviteurs nombreux l'accompagnaient, si bien que, à l'aspect de cette cavalcade, guidée par des écuyers et protégée par des hommes d'armes, les bourgeois saluaient, et les manants des villages s'attroupaient pour voir le défilé comme au passage d'une princesse. À la première couchée, un des Suédois qui servait d'escorte personnelle à Mademoiselle de Pardaillan tomba malade, et on fut obligé de l'abandonner dans l'auberge. Ce fut encore ainsi à la couchée prochaine. Un troisième Suédois suivit bientôt ses deux camarades. « Voilà qui est singulier, » pensa l'écuyer. « On n'a jamais vu des hommes si robustes devenir tout à coup si faibles. » Mademoiselle de Souvigny, qui ne pouvait se défendre d'une certaine préoccupation, s'étonnait de cette épidémie qui sévissait sur les Suédois de leur escorte. Elle remarquait, en outre, que de nouveaux serviteurs augmentaient chaque jour la troupe de Madame d'Igomer, tandis que celle de Mademoiselle de Pardaillan diminuait. Tous ces cavaliers inconnus qu'on apercevait tour à tour étaient armés jusqu'aux dents. On aurait dit des flibustiers partant pour la conquête d'un royaume. « Cela ne te paraît-il pas étrange ? » dit-elle un soir à Diane. « C'est à qui, parmi les gens, aura la fièvre, et personne ne l'a parmi ceux de Madame d'Igomer. C'est qu'apparemment les siens se portent mieux, ou qu'ils sont faits au climat de l'Allemagne. Mais pourquoi, aussitôt que l'un des nôtres se met au lit, voit-on un nouveau visage apparaître dans la bande qui marche derrière la baronne ? C'est afin de rétablir l'équilibre. Pourquoi encore ces sabres, ces pistolets, ces pertuisanes ? Madame d'Igomer est une personne qui a le culte de la précaution. Elle ne veut pas qu'un cheveu tombe de ta charmante tête, ni qu'une dentelle s'échappe de mon ajustement. Nos cheveux et nos dentelles lui sont bien reconnaissants. Mais dis-moi, si mes études géographiques ne me trompent pas, Stralsund est une petite ville située vers le nord par rapport à Berlin. Sans doute. D'où vient alors que nous marchons vers le sud ? Comme nous approchions du bourg où nous devions prendre gîte hier au soir, j'ai cherché des yeux la grande ours. Elle brillait d'un éclat superbe. Tant mieux, et après ? Nous lui tournions le dos. C'est que la route fait un coude, répondit Diane. Il y a des coudes dont je me méfie, répondit Adrienne. Le jour d'après, elle interrogea l'écuyer auquel M. de Pardaillan avait confié sa fille. Lui-même était inquiet. Il avait acquis la certitude, dans la nuit, qu'on était plus loin de Stralsund qu'au moment du départ. Adrienne en parla résolument à Madame d'Igomer, qui rougit un peu. « Je ne voulais pas vous en instruire, » répondit celle-ci. « Les chemins sont remplis de batteurs d'estrade. J'ai dû prendre une route de traverse. Elle nous éloigne d'abord, mais nous arriverons plus sûrement. » Chaque soir, la baronne recevait, étant seule, un messager blanc de poussière ou noir de boue, qui repartait bientôt après. Pour une femme qui avait une peur si terrible des batteurs d'estrade, il semblait à Mademoiselle de Souvigny que la baronne était en relation avec des émissaires à mine bien farouche. le moins suspect avait le visage patibulaire d'un homme que la veille n'aurait décroché de la potence. « Pourquoi tous ces gens-là ? » disait mademoiselle de Souvigné. « Je n'en vois pas un que je n'ai le frisson. » « Ils n'ont pas la figure des séraphins, j'en conviens, » répondait mademoiselle de Pardaillan. « Mais si madame Digomère a besoin de coureurs adroits pour s'assurer des routes libres, penses-tu que les saints et les anges s'accommoderaient de ce métier ?» Il arriva un instant où l'écuyer, qui répondait des deux cousines sur sa vie, n'eut plus autour de lui que 4 ou 5 hommes valides. Il en fit part à sa maîtresse. « Il est de mon devoir de déclarer, » ajouta-t-il, « qu'à présent vous êtes entièrement à la discrétion de madame la baronne Digomère. Si quelque danger que je ne prévois pas survenait, je puis mourir, mais non vous sauver. » Mademoiselle de Pardaillan connaissait l'écuyer de longue date, et le savait un homme résolu qui ne s'émouvait pas facilement. En l'entendant parler ainsi, elle eut un léger frisson. « Sérieusement, craignez-vous quelque chose ? » dit-elle. « Rien de positif encore ne m'autorise même à penser que la baronne qui vous a offert une si magnifique hospitalité soit animée contre vous et mademoiselle de Souvigny de sentiments hostiles. Mais nous sommes loin de toute garnison suédoise, et nous voyageons dans un pays où les figures suspectes naissent sous les pieds des chevaux. » Et nous tournons toujours le dos à la grande ourse, ajouta Adrienne. Madame Digomère surprit les deux cousines en ce moment. Elle avait le visage radieux. J'ai de bonnes nouvelles, dit-elle en embrassant Diane. La route est libre, nous pouvons quitter le chemin de traverse et pousser vers Stralsund directement. Je ne vous quitterai que lorsque nous toucherons au but du voyage. Mais quelle tristesse alors! Diane lui rendit son baiser. Eh bien, dit-elle tout bas en se tournant vers Adrienne, « que penses-tu de tes folles terreurs? Me parleras-tu encore de la grande ourse ?» Sur ces entrefaites, un courrier dont le cheval, blanc d'écume et tout tremblant sur ses jarrets, semblait avoir fourni une longue traite, entra dans l'hôtellerie. Madame Digomère quitta précipitamment les deux cousines et courut le recevoir.